la Bible ? Mais voyons, ce n'est pas sérieux. Que peut-elle bien avoir à dire à l'âge de la raison, devant les lumières de la science, ou devant les preuves de l'histoire et de l'archéologie ? Ses propos retentissaient déjà au XIXe siècle, dans les salles de conférence et dans les universités. Il remplissait aussi les colonnes des quotidiens, et des volumes entiers ont été consacrés à ce sujet. C'était l'époque où l'on proposait comme parole d'évangile les idées de Darwin sur l'évolution, alors que les philosophies de Kant et de Marx imprimaient leurs concepts sur la société industrielle naissante. C'était aussi l'époque des révolutions intellectuelles, et l'écriture sainte était la cible favorite des détracteurs de la foi. Parmi les arguments choisis, il en était un qui visait particulièrement le livre de Daniel. C'était cette négation formelle: le roi Belshazzar n'a jamais existé. Daniel chapitre 5 nous parle en effet du roi Belshazzar, un petit-fils de Nebuchadnezzar. Mais voilà, selon les détracteurs de la foi, ce nom, ce règne, cette histoire de Daniel chapitre 5 n'était que mythe, légende ou pure invention. Alors, par voie de conséquence, pourquoi faire encore confiance à la Bible ? Non, Belshazzar n'avait jamais existé, puisque l'histoire avait reconnu de manière formelle que Nabonide avait bel et bien été le dernier roi de Babylone avant l'invasion des Perses. Et pensez donc, l'Ancien Testament ne mentionne même pas Nabonide. Cependant, la sagesse de Dieu est combien supérieure à celle des hommes ? Job, déjà, posait cette question pertinente. Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse ? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison ? Job 11, verset 2. Quelle était la valeur des arguments historiques invoqués contre le livre de Daniel ? Dieu avait préparé sa réponse. En 1854, Sir Herbert Rawlinson a entrepris des fouilles méthodiques en Mésopotamie pour étudier la dynastie des rois de Babylone. Ainsi, il a pu reconstituer l'histoire. Nebuchadnezzar a occupé le trône de 605 à 562 avant Jésus-Christ. Son fils Evil-Merodach lui a succédé. Mais les chefs militaires de Babylone n'avaient que faire d'un roi trop clément qui, d'après le prophète Jérémie, traitait ses prisonniers avec bonté. Merodach fut assassiné par Nergal-Sharetser, le gendre de Nebuchadnezzar, qui, selon les livres des rois et des chroniques, était aussi l'un des généraux de l'armée. Puis, Nergal a légué son trône à l'un de ses fils. Mais Nabonide a rapidement accaparé le pouvoir, et après son couronnement, Nabonide a épousé la veuve de Nergal. Et il est devenu ainsi le beau-père de Belshazzar, un autre fils de Nergal. Belshazzar était donc un petit-fils de Nebuchadnezzar. Aux environs de l'an 540 avant Jésus-Christ, de graves troubles ont secoué l'empire babylonien et Nabonide a dû quitter sa capitale pour entreprendre des expéditions punitives. Alors, il a laissé son gendre Belshazzar sur le trône en lui attribuant la fonction de co-régent. La découverte de Rawlinson rétablissait ainsi la valeur historique du texte biblique et soulignait du même coup son exactitude. Car, dans ce chapitre 5 de Daniel, le roi Belshazzar offre en récompense à Daniel la troisième place dans le gouvernement du royaume, verset 16. Pourquoi la troisième place et non la deuxième ? Eh bien, il ne pouvait offrir la deuxième place pour la simple raison qu'il l'occupait lui-même, après Nabonide, le souverain incontesté qui, lui, avait la première place. La toile de fond historique étant ainsi posée, nous pouvons maintenant aborder ce chapitre 5 de Daniel. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Versets 1 et 4. Eh bien, ce festin était l'heure fixée par Dieu pour la chute de Babylone, la capitale soi-disant invulnérable de l'Antiquité. Une chute que rien ne laissait prévoir, puisque défenseurs et adversaires de Babylone la jugeaient imprenable. avec ses 250 tours de guet et ses murailles hautes de 100 mètres et larges de 30. Pourtant, Jérémie le prophète avait écrit au sujet des Babyloniens 60 ans avant l'événement. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Jérémie 51, 39. Pourquoi Babylone devait-elle tomber la nuit du festin, tandis que ses hommes de guerre noyaient leur insouciance dans l'ivresse? Cette nuit-là, il y eut sacrilège, défi au souverain des cieux et acte blasphématoire. Nous lisons Daniel 5, versets 2 à 3. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Les vases dans lesquels le roi et ses 1000 convives buvaient jusqu'à s'enivrer avaient été consacrés au Dieu des cieux. Aussi, lorsqu'ils sont mis à boire, puis à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie, ils ont insulté ouvertement le Tout-Puissant. Or cela, Dieu ne pouvait pas le tolérer. Nous lisons Daniel 5:5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Sur une tablette gravée en caractère cunéiforme déterrée dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, les archéologues ont déchiffré l'inscription suivante. Si une extrémité de main paraissait sur la muraille, le pays serait livré au pillard. Il est évidemment difficile de savoir si cette tablette est antérieure ou postérieure aux événements racontés par Daniel, chapitre 5. Toujours est-il qu'elle confirme à sa manière la description du festin de Belshazzar. La main de Dieu était soudain apparue sur la muraille, là, devant tous, à l'endroit où le chandelier projetait sa lumière. Peut-être était-ce la seule paroi où les 1000 convives pouvaient l'apercevoir. En tout cas, c'était juste en face de Belshazzar et de ses ministres. Tous les convives ont été soudain terrorisés, et le roi, en un instant, a passé de l'insouciance à l'épouvante. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Verset 6. Et comble de malheur, Belshazzar et ses grands étaient totalement incapables de déchiffrer ce que la main de Dieu venait de rédiger sur la muraille. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Verset 7. Il a sans doute fallu du temps pour rassembler les astrologues et les magiciens qui n'avaient apparemment pas été invités au festin. Du temps pendant lequel les genoux du roi ont continué de trembler. Et Belshazzar a eu beau proposer des cadeaux mirobolants, l'explication des mots apparus sur la muraille ne lui a pas été donnée pour autant. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. Versets 8 à 9. Laissons, si vous le voulez bien, Belshazzar dans la frayeur et la cour de Babylone dans la consternation. Nous verrons la semaine prochaine comment le prophète Daniel a interprété l'écriture sur la muraille et comment le jugement du Très-Haut sur Babylone s'est exercé cette nuit-là. Je pense aujourd'hui à d'autres palais, sur la paroi desquels la même main trace présentement un verdict de condamnation. Elle le trace d'une écriture invisible, mais indélébile, même si cette écriture échappe encore aux appréciations humaines. Il est aujourd'hui d'autres Belshazzar, des chefs d'État, d'autres dignitaires, des autorités politiques et religieuses, d'autres sociétés, les grandes organisations internationales, qui convient à de nouveaux festins et à de nouvelles orgies. On ne veut pas que le Dieu des cieux dise son mot dans les chancelleries, pas plus dans le bâtiment de verre de Manhattan qu'ailleurs. Les hommes s'écoutent eux-mêmes, mais ils refusent d'écouter Dieu. Ils méprisent la Bible, la parole de Dieu. Le jour viendra où la révolte fera déborder la coupe de la colère divine. L'orgueil humain dépassera la mesure. Alors, le blasphème déclenchera le jugement divin. Car le monde prépare aujourd'hui l'avènement de l'Antéchrist. Cet imposteur sera l'homme de l'iniquité et du vice, mais en même temps, il sera un politicien de génie et un ecclésiastique assumant le pontificat de toutes les religions de l'humanité. Cependant, le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche et il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et si jadis l'écriture sur la muraille du palais de Babylone a jeté les grandes semences dans la consternation, que sera-ce quand le souffle de la bouche du juge divin détruira le surhomme, celui qui aura bravé le Dieu des cieux en fomentant la révolte contre lui à l'échelle planétaire. Dieu est déjà en train d'écrire sur la muraille. C'est pourquoi, chers auditeurs, ne vous laissez plus impressionner par l'orgueil des hommes, mais rangez-vous résolument du côté du Seigneur Jésus, celui qui seul peut mettre de l'ordre dans la politique internationale, parce qu'il revient bientôt. Et demain, il sera le juge de ceux qui aujourd'hui le refusent comme sauveur. Alors, que voulez-vous choisir ?